c'est l'heure. Votre corps est serein, votre main ne dit rien, votre corps est serein, votre main ne dit rien. Même son fait palpiter mon cœur, mais vous niez, c'est l'heure. Oh, une heure de loi, si peu à faire dans ta voix. Tant à faire et que croire. Est-ce moi qui songe, mais à quoi?